Maintenant c'est bon, tu l'as. Tu l'as chopé. Faut que tu mettes de l'expression et du staccato. T'essayes de mettre du palmut pour avoir du staccato. Maintenant que t'as les notes, il faut jouer l'expression. Normalement c'est au double de vitesse. Je sais même pas si j'y arrive encore, là il y a longtemps que je n'ai pas fait l'exercice. Thank you.